on a rencontré l'amour un jour de grand soleil. De soleil. Pour toi et moi. J'ai vu dans tes yeux s'ouvrir un monde sans pareil. Sans pareil. Rien que pour moi. Je n'avais jamais connu un jour de grand soleil. Et moi qui croyais que le pays des merveilles, n'existait pas. Je t'ai parlé un peu de moi, toi tu n'osais encore rien me dire. Mais dans nos cœurs naissaient déjà des souvenirs. Et quand la nuit nous a surpris, il n'y avait plus que toi et moi. Cette plage où tu m'as dit ne me quitte pas. On a rencontré l'amour un jour de grand soleil. Le soleil. Pour toi et moi. J'ai vu dans tes yeux s'ouvrir un monde sans pareil. Sans pareil. Rien que pour moi. Que le ciel craque de soleil. De soleil. Comme ce jour-là. Tu es mon amour comme ces enfants qui s'émerveillent. S'émerveillent. À chaque fois. Je t'ai parlé un peu de moi. Toi tu n'osais encore rien me dire. Mais dans nos cœurs naissaient déjà des souvenirs. Et quand la nuit nous a surpris, il n'y avait plus que toi et moi. Sur cette plage, tu m'as dit, ne me quitte pas. Na na na na na na na na na na na na na na. Le soleil. Le soleil.